Quoique tout le monde va la regarder, mais alors je ne suis pas belle comme la fleur de Saint-Exumérise. Oh, je suis pas prêt, je suis pas encore. Hey, ah ouais, rentre, toi là, là. On t'aime, on t'embrasse, tu es adulé de tous. Le petit Jésus t'aime aussi, là. Fais pas la difficile. Rentre ici. Fait que là, elle est rentrée, là. On me demande, as-tu ta carte? Ah, j'ai oublié ça dans la voiture. Mais là, James Dean pis Elvis sont dans l'arrière de nous. Fait que je vais l'appeler sur le cellulaire. Ça vous dérange pas, monsieur? Cellulaire, des années 50. Ouais, regarde. Cellulaire a été inventé en 1920. Mais pour le populariser, on a attendu en 1990. Pourquoi? Pour créer pour amener le goût aux gens dans la voie. Un cellulaire. C'était pas le temps, là. On n'avait même pas de micro-ondes. À l'époque, imagine-toi un cellulaire. Des ondes. Et à part la radio avec le gros micro comme j'ai ici actuellement, là, devant moi. Si vous me regardez sur YouTube, là, ou sur mon site officiel d'Errance Renadienne, vous allez sur gargoyle.fr, vous rentrez Errance Renadienne, vous allez voir les vidéos et celui-ci. Que vous regardez, que bon, vous voyez, là, bon, j'ai moi. Ah, bon. Et puis, on va arrêter de t'exciter, mon beau Jean-Pierre, là, là. Le peuple te regarde, bon, si tu savais. Ah, oh, si tu savais. Non, je le sais. Bon, OK, parfait. Et donc, c'est ça. Alors, on va les appeler sur cellulaire. Même si c'est dans les années 50, on a ça. Ben, parce que la popularité du cellulaire, comme j'ai dit, c'est en 90, pour susciter, pas la pas du gain, mais l'achat, pour que les gens se titillent. Ah, lui, il y en a un, mais, oh, mais je vais en avoir un aussi. Hein. Si tout le monde en a un, pas capable d'être autonome, d'être singulier. Non, tout le monde est de même, tout le monde est de même. Ben oui, c'est ça. Tu me verras pas sur les plaines, toi, là, en train d'applaudir. Des je serai pas là, là. Hey, well, measure with pom, pom, pom, pom. Il y en a un qui m'a dit, ah, regarde, on va aller là, là, on va boire de la bière pour fumer des joints. Hein. Ben oui, ça prend ça pour aimer ce que tu vas voir en avant. Là. Des petits pois verts qui se promènent là, avec. Bon, en tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire. Et on est rentré dans le bar, j'ai appelé James Dean et ben, c'est Elvis qui a répondu. J'ai dit, Elvis, qu'est-ce qui se fait, mon Elvis? Je reconnais pas ta voix. Il était en train de manger de la bouffe, je sais pas quoi, là, des raviolis. Je peux pas, non, il m'a pas dit ça, mais je peux pas essayer des pots, des gogos, des bouts, des gogos, en tout cas. Et j'ai dit, peux-tu aller dans la voiture en avant, toi, c'est la mienne, là, tu le sais. Et, ramène-moi ma carte, s'il vous plaît. Il dit, oh, pas de problème. Il me ramène, il rentre avec, tout de go. Tout de go, les bras dans le dos, avec qui il tenait sa carte, ma carte. Il voulait pas que tout le monde la voie parce que ça se sent dans ce milieu-là, là. Oh, j'en ai eu, tout le monde en veut, c'est comme les cellulaires. Ah, OK. Là, il me présente la carte. Je dis, hey, c'est pas celle-là. Ça, c'est la carte de CKRL. Là, il dit, oh non! Zut alors! laisse faire. Ils vont me comprendre, là. Fait que là, je raconte le nom de mon émission. Puis, je dis, oh, écoute, c'est nébuleux, alors ça doit être Errance Renadienne. Eh bien, oui, c'est ça. Alors, OK, vas-y, rentre. Alors, je rencontre Bukowski. Il est quelle heure? OK. Il me dit, le bar venait de fermer et il devait encore rentrer à pied. Ben oui. Fait que là, j'ai pas eu le temps de discuter avec Charles. On est sortis, on nous a foutu dehors, comme de vulgaires rats. Ou de vulgaires filles sans joie. Et là, on était sur le trottoir. Puis là, la pluie n'était même plus là. Il y avait un vent doux qui nous soufflait dans les cheveux. Toujours les cheveux. Hein? Ça fait partie de ma... Oh, fétichis. Des cheveux. Pellicule tartature. Sataire. Bonhomme Sataire. Pas de cheveux, bonhomme Sataire. Mais non, à 7 heures, on se peigne pas. À 7 heures, on s'en va, puis on lui a déjà. Il faut se réveiller à 7 heures. On lui a. Oh, il est 7 heures. Oh non, je suis en retard. Il s'en va. Bonhomme 7 heures est tout le temps en retard. Parce qu'il se lève pas à 7 heures moins quart, c'est le bonhomme 7 heures. T'as-tu compris ça, toi? C'est très, très, très, très facile. Ouais, mais dans la facilité. Mais velousse, merci. Mais voilà, Santo, San Lula, Mene, Moussato, la Mene, Tutato. Hey, la phrase de Bukowski, Madame Thibodeau. On va la dire sans aucune gêne, quoique je suis aussi estomaqué de vous la divulguer aussi rapidement. C'est la sirène baiseuse de Venise, Californie. We'll be right back.

C'est le 3D, ça me donne mal au cœur, les oreilles me frissonnent. Ah, mes lunettes cassent tout ça. Ça fait 5 paires de lunettes en 3 minutes que je... Ah, ouais, là, comme disait ma copine, Johnny Be Good, elle aime ça, avoir un nom viril. Hey, ça fait quelque chose, ça fait puncher. Mais oui, j'ai l'air d'un imbécile quand je dis que je fréquente Johnny Be Good, quoi, là. Mais peu importe. Elle me dit, Johnny Be Good, elle dit, ça serait bien de terminer comme ça l'émission. Ah ouais? Qu'il y avait ici que 60 000 descendants de Français dans un hémisphère, la grande majorité anglo-saxonne. Il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas les facilités que nous possédons aujourd'hui. Les difficultés étaient nombreuses. Les Iroquois étaient prêts, persécuteurs et destructeurs. Oui? Oui. Si on va aller à Québec, là, t'as le droit de comprendre. Le nombre de Canadiens a augmenté. Je vais là à ta gauche, jusqu'à la Viadette. Ouais. La Viadette, j'entends des citations Maurice.